pensais pas que les pieds t'as pas me porter à terre, mais... C'est pas pire. Eh bien, comme soirée, c'est tout à fait particulier, étant donné que le titre de ce soir, c'est « Attention aux ondes de forme ». Alors ici, on en voit de toutes les couleurs, les ondes de forme, des hautes, des larges, des moyennes, des abrèves. C'est des ondes de forme fort intéressantes. Pour introduire rapidement le sujet, disons que les ondes de forme qui touchent la texture, la couleur, ce ne sont qu'une infime partie des ondes de forme que l'on a à être influencées de tous les jours. Les ondes de forme, premièrement, les plus influentes, sont probablement la pensée, les mots, l'architecture, les véhicules, les routes, enfin, tout l'environnement sociétaire dans lequel on vit. Alors, pour vous en parler d'une façon plus pertinente, beaucoup plus pertinente, invitons Daniel Kemm immédiatement à venir nous entretenir de ce sujet. Bon. Effectivement, hein? Ben ouais, une affaire, la petite fois de demain, là. Bon, l'escalier. Tu sais que des chaises qui nous ont été prêtées? Parce que ceux qu'on a commandé vont être faites dans 8 semaines. En tout cas. À mon du Seigneur. Ça veut dire que je peux atteindre. Bon. Oui. Alors, premièrement, au niveau d'onde de forme, c'était la tête de la nièce alors que le petit peu. En faisant attention pour qu'il est juste en bas. Constatez que l'onde de forme de la salle ici est différente de l'onde de forme de la salle de l'autre côté. Alors évidemment, il y a plusieurs ajustements qui restent à faire, justement au niveau du son, ça va venir. Les fenêtres vont disparaître, face des stores qui vont les remplacer. Et puis, il y aura énormément de choses au niveau de l'onde de forme qui vont apparaître dans cette salle. Parce que si ce n'est pas de semaine en semaine, ce sera au moins de deux semaines en deux semaines. Et si tout ce que l'on peut faire est techniquement possible, ça va dépendre de ce que la technologie présentement peut nous offrir, ben ça va faire une des salles qui sera ondoformiquement l'une des plus puissantes qu'on a en Amérique du Nord. Il y a effectivement des salles de conférences, ou des salles théologiques, ou des salles de gouvernement sur la planète qui sont d'une façon ondoformique, donc reliées aux ondes de forme, d'une puissance très intéressante. L'onde de forme, c'est l'énergie dégagée par une forme. Maintenant, comment une forme peut-elle dégager une énergie? C'est bien simple. Une forme, pour apparaître, pour être perçue par l'humain, se doit nécessairement d'émettre de la lumière. C'est-à-dire qu'elle doit soit émettre, soit réfléchir la lumière. Alors, si nous sommes dans l'obscurité totale, nous ne voyons pas les formes. Il n'y a pas donc de forme, du moins pas lumineuse, dans le sens photonique. Par contre, si nous nous promenons là au lieu de la lumière, eh bien nous voyons les formes, c'est ce qui nous permet la vision. Et si nous voyons les formes lorsqu'il y a de la lumière, c'est que la lumière vient frapper un objet, l'objet absorbe une certaine quantité de l'énergie de la lumière, et ce qu'elle n'absorbe pas, elle le rejette. Et c'est ça que vous voyez, c'est ça l'onde de forme. On peut dire que c'est la personnalité des choses. Et vous avez une onde de forme, ce que vous allez appeler aussi votre personnalité. À un moment donné, une personne va dire, « Moi, je me maquille parce que, tu sais, change mon look, change ma personnalité. » Elle change son onde de forme. Elle aime s'habiller de telle façon, elle n'aime pas s'habiller de telle autre façon. Ça regarde son onde de forme. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a la lumière. Mais il y a aussi les rayonnements cosmiques, il y a les rayonnements alpha, beta, x, les radiations, il y en a plein sur la planète. Il y a toutes ces ondes qui ne sont pas lumineusement visibles, les infrarouges, les ultraviolets, etc., mais qui, de toute façon, viennent frapper les objets, sont absorbés ou réfléchis, ou traversés, et deviennent porteurs d'ondes de forme. Donc, même la nuit, les lumières toutes éteintes, votre chambre émet une onde de forme, qui peut vous empêcher de dormir, qui peut vous faire cauchemarder

C'est pas une raison. On commence par changer un truc, un autre truc, un autre truc. L'homme nouveau a comme meilleur allié le temps. L'homme ancien a comme pire ennemi le temps. Commencez à devenir un peu plus neuf. Puis prenez le temps de changer une chose. Puis 6 mois après, au même budget, on change une autre chose. Puis à un moment donné, une autre chose. Puis finalement, tout change au rythme que l'on change. Il y a une salle d'accueil, si on peut dire, c'est plus une salle d'accueil, mais il y a une salle de croudage en bas. En passant, je vous fais remarquer que vous êtes sur des estrades. Essayez de descendre décemment. Tombez pas. On va allumer des lumières qui vont rendre la salle très laide, mais qui vont vous permettre de voir où vous mettez les pieds. Les papiers de poser des questions, vous les amenez en avant, la même chose comme d'habitude. Bonne petite entraque. Merci, Daniel.